l'intelligence artificielle incontrôlée, une arme qui pourrait détruire l'humanité. Écoutez. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Qui s'attache à notre âme et la force d'Amer? Lamartine, Milly ou la Terre natale? Ce nouveau siècle a vu une accélération des sciences NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, notamment celle de l'intelligence artificielle où le mot vivant est de plus en plus galvaudé du fait de son attribution aux machines. On dit que les objets électroniques deviennent intelligents s'ils s'adaptent à l'utilisateur et même vivants quand ils communiquent avec nous de manière naturelle. Nous devons définir ce que c'est un objet vivant qu'il ne faut pas confondre avec un robot automate aussi sophistiqué soit-il. Le terme s'oppose alors à « vivant », les objets ne sont pas animés, ils ne sont pas en vie. Ils ne méritent pas le traitement particulier qu'on réserve aux vivants et en particulier celui qu'on réserve aux personnes humaines. Pour Jean-Claude Dain, directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia et spécialiste de l'intelligence artificielle, une tendance décisive est la manière dont ces objets, voitures, maisons ou autres, géreront eux-mêmes leur énergie, particulièrement dans le cadre d'un smart grid. À propos d'objets intelligents et d'objets smart, il déclare « Je fais une distinction entre les deux ». Dans notre école, le terme smart correspond à une partie de l'enseignement du design interactif. En d'autres termes, ces objets doivent être parfaitement adaptés aux usages des utilisateurs. Leur utilisation doit être simple et évidente. Un objet intelligent, lui, doit en plus être capable de s'adapter à son propriétaire, par exemple en détectant et en mémorisant ses habitudes, en personnalisant ses services. Pourquoi dit-on qu'ils sont « vivants » ? C'est une étape supplémentaire, poursuit-il, celle des objets capables de dialoguer selon nos propres modes de communication verbale et non verbale. En d'autres termes, il s'agit de tirer parti de notre tendance naturelle à considérer ce qui nous entoure comme faisant partie de notre groupe social. Cet anthropomorphisme est le résultat de notre évolution en tant qu'animal social. Cette démarche est très étudiée, en particulier en robotique avec les robots humanoïdes. On doit prendre garde à ne pas vouloir pousser trop loin la ressemblance. Ainsi, les androïdes conçus par Hiroshi Ishiguro sont comme des clones humains, mais leur ressemblance inquiète plus qu'elle ne rassure. L'autonomie des machines, associée au recueil massif des données, le « big data », va créer des scénarios inédits que le législateur devra prendre en compte. L'un des domaines où les objets intelligents vont apparaître le plus rapidement est celui de l'automobile, en particulier avec les futures voitures autonomes sans conducteur. Si une voiture autonome a un accident, qui est responsable ? Ces technologies coûtent cher à développer et, d'autre part, tous les objets n'ont pas à devenir intelligents. La maison smart est une réelle avancée technologique. De la cuisine à la chambre à coucher, des toilettes au salon, le meilleur des nouveautés numériques garnit ce lieu que l'on visite comme un petit musée du futur. Impossible de passer à côté du « mur de service connecté », espace stratégique où l'homme, pourvu d'un smartphone comme excroissance naturelle. De même, avec l'allongement de la durée de vie, les établissements adaptés aux seniors devraient se multiplier. À quoi ressemblera la maison de retraite du futur ? Les « signaux faibles » de 2013 nous renseignent, et EDF Pulse en déduit trois scénarios. Avant de couler des jours heureux à jouer à la belote avec des amis au minimum octogénaire, encore faut-il savoir dans quel habitat nous vivrons. Trois possibilités se présentent et font l'objet d'expériences en Suisse, en France et au Japon. à côté de ces avancées somme toute utiles pour l'humanité et pour le bien vivre après le cœur artificiel, il se murmure que c'est au tour du cerveau de quitter le monde organique pour rejoindre celui de l'artifice. Le cerveau pourrait être composé de neurones en nanotubes de carbone, selon des chercheurs américains. À la tête de ce projet, les professeurs Alice Parker et Chong Vu Zhu, spécialisés en génie électrique à l'Université de Californie du Sud. Ils sont parvenus à fabriquer une synapse, zone de contact entre deux neurones, fonctionnant grâce à des nanotubes de carbone, réalisant une avancée significative dans l'utilisation des nanotechnologies pour la construction d'un cerveau synthétique. Le revers de la médaille. Toute médaille a son revers. Un site intéressant liste les technologies dangereuses pour l'humanité. Nous les résumons ici sans oublier naturellement l'intelligence artificielle, tout d'abord l'armement nanotechnologique. S'il y a bien une chose qui pourrait détruire la race humaine sur Terre, c'est l'utilisation des nanotechnologies à des fins militaires. Le risque vient de deux facteurs importants, l'autoréplication incontrôlée et la croissance exponentielle. Que ce soit les aérovores, qui bloqueraient les rayons du soleil, le plancton gris, qui dévorerait l'écologie sous-marine, le lichen gris, qui détruirait la géologie terrestre, ou les destructeurs de biomasse, qui s'attaqueraient à divers organismes, il ne faudrait pas plus de 20 mois pour une écophagie globale. La seule défense possible serait de créer un système qui perturberait les mécanismes internes des nanorobots. La plupart des experts sont donc d'accord pour instaurer un moratoire sur les nanotechnologies utilisées comme armes. Ensuite et dans l'ordre, des machines conscientes, c'est l'un des rêves des scientifiques, intégrer une conscience artificielle dans une machine. Cependant, il faut absolument réfléchir à ce sujet avant de se lancer. Selon le philosophe Thomas Metzinger, aucun comité éthique dans un monde démocratique n'acceptera que de telles recherches soient lancées. Une superintelligence artificielle, comme le disait Stephen Hawking, l'intelligence artificielle pourrait être la plus grande erreur de notre histoire. Les voyages dans le temps. N'importe quel film de SF traitant de voyages dans le temps nous montre les potentiels dégâts que cela pourrait générer, en particulier les paradoxes temporels. Un dispositif de lecture de l'esprit, l'idée que des machines puissent lire les pensées et les souvenirs des gens sans leur consentement n'est pas complètement farfelue. L'année dernière, aux Pays-Bas, des scientifiques ont croisé des imageries mentales avec des algorithmes informatiques pour déterminer quelle lettre une personne regardait. L'idée est de reconstruire la pensée humaine à un niveau sans précédent, permettant de montrer ce que vous avez vu, pensé ou enregistré. En sixième position propose l'auteur, un dispositif de piratage cérébral par extension, il serait également possible d'altérer nos esprits sans que nous le sachions, de la même façon que dans le jeu Remember Maître. Dès que nous implanterons des puces dans notre crâne et en supposant que nous n'arrivions pas à développer des pare-feux suffisamment efficaces, nos cerveaux seraient directement exposés à Internet et tous ces maux. Une équipe internationale de chercheurs en neurosciences a mis en place une expérience qui a permis aux participants de s'engager dans une communication entre cerveaux sur Internet. Bien sûr, c'est excitant, mais cette forme de télépathie pourrait ouvrir la boîte de Pandore. En septième position, des robots autonomes conçus pour tuer les humains. L'idée que des machines puissent tuer des humains sans que personne n'appuie sur la détente est effrayante. Le plus grand danger se cache dans une hypothétique course à l'armement. Après quelques cycles d'amélioration, le développement de robots pourrait franchir un seuil dans lequel la dernière génération serait en mesure de dépasser tout système militaire contrôlé par l'homme. Ensuite, nous avons, d'après l'auteur, les armes bactériologiques, un autre sujet perturbant. Comme indiqué par Bill Joy et Ray Kurzweil en 2005, laisser les génomes de virus mortels à portée du premier venu, c'est précipiter la destruction de notre planète. Certains scientifiques parlent même de virus agissant directement sur le génome humain. des peines et emprisonnements virtuels et l'enfer technologique dans une perspective d'espérance de vie indéfinie, cet avenir est particulièrement effrayant, avec des possibilités de torture physique et psychologique sans limite. Les espoirs des apprentis sorciers sur l'intelligence artificielle. Il est de ce fait évident, malgré les assurances des apprentis sorciers, il nous faut faire très attention. Les conséquences de certaines avancées peuvent constituer un danger pour la condition humaine. Pour Ray Kurzweil de Google en charge des NBIC et du transhumanisme lors d'une annonce en juin 2013 lors du Global Future 2045 International Congress à New York qui avait pour but de présenter le monde de 2045, il a été indiqué que l'humanité connaîtrait dans les années à venir une croissance technologique totalement nouvelle et largement supérieure à celle que l'on connaît aujourd'hui, plus connue sous le nom de « singularité technologique ». Ce concept tend à l'immortalité digitale, en conservant l'intelligence et le cerveau de l'homme pour l'éternité. L'homme a rendu indispensables les nouvelles technologies à sa vie. Kurzweil explique que « nous allons devenir de plus en plus non biologiques, au point où les parties non biologiques domineront et que les parties biologiques ne seront plus importantes ». En fait, la partie machine sera si puissante qu'elle pourra totalement modeler et comprendre la partie biologique. Du coup, même si cette partie biologique était retirée, cela ne ferait aucune différence. Nous aurons également des corps non biologiques, nous pouvons créer des corps virtuels et une réalité virtuelle aussi réaliste que la réalité réelle. Nous serons donc capables de changer de façon routinière de corps, mais aussi d'environnement, très rapidement. L'intelligence artificielle incontrôlée. Fin de la première partie. Article du professeur Chemeddine Kitou, École Polytechnique d'Alger. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.